brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. J'aurais tout, tout, tout, tout, tout donné, tout, tout, tout, tout, tout laissé. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. J'aurais tout, tout, tout, tout, tout donné, tout, tout, tout, tout, tout laissé. On m'a accusé face à lui, moi j'ai plaidé la folie. Ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Trop de souvenirs qui restent. Chérie, tu penses que j'oublie. Je souris, mais je subis. Tes bébés ne me laissent pas. Tes bébés ne t'en va pas. Mais nous deux, c'est fini. Tes je t'aime sont tous pareils. Tes tu me manques, bibi. Moi j'en ai marre et puis basta. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Des hommes comme toi j'en connais assez. Tu m'avais illuminé, te voilà éliminé. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. J'aurais tout, tout, tout, tout, tout donné, tout, tout, tout, tout, tout laissé. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. Tout, tout, tout, tout, tout donné, tout, tout, tout, tout, tout laissé. Moi j'avais besoin de toi, quand tu n'étais plus là. Un autre a pris ta place, t'es désolé, c'est terminé, tu peux t'en aller. T'étais mon baby, non, non. Tu persistes, non, non. Encore me parler, ne reviens pas, ça ne sert à rien. Tous tes je t'aime ne sont plus fond. Hier c'était moi, aujourd'hui c'est toi. Maintenant tu cours, mais c'est terminé. Tu m'as brisé le cœur, tu m'as brisé les côtes. Je recrée des mondes et des mondes sans toi. C'est fou, tu t'es mon baby, bébé. Tu m'as brisé le cœur, tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté.